La radio-télévision française vous présente une œuvre de son répertoire, Le Menteur, comédie en 5 actes de Pierre Corneille, sous la direction artistique de Jacques Régnier, présentée par Jean Debert. La comédie que vous allez entendre a plus d'une raison de ne pas être une pièce comme les autres. Le Menteur passe pour notre première comédie de caractère et Voltaire n'hésite pas à prétendre que nous lui devons Molière. Elle en est à coup sûr le premier chef-d'œuvre. La comédie avait jusqu'alors tâtonné, sautant avec gaucherie de la farce grossière aux graveleuses, aux plagiat de l'antique, sans que rien dans ses manifestations permît de discerner une chance de supériorité ou quoi que ce soit qui s'accorde à la délicatesse de nos mœurs. Il appartenait à Pierre Corneille, père incontesté de la tragédie, d'être aussi l'accoucheur de notre répertoire comique. Pour l'une, comme pour l'autre tâche du reste, il s'est adossé aux Espagnols. Et le Menteur doit assurément plus à Juan de Alarcón que le Cid à Guillaume de Castro. Ainsi, un des effets positifs et imprévus des guerres de religion aura été, par-delà les terribles dissensions qu'elles ont provoquées et grâce à l'influence espagnole, de donner le branle à notre classicisme théâtral. Et si la réussite technique de Corneille ne suffit pas à lui assurer la supériorité sur son modèle, elle aura du moins façonné le moule où Molière, demain, coulera le misanthrope. Et l'amitié des deux poètes nous assure que le rapprochement n'a pas été fortuit. La radiodiffusion française a pensé que ces considérations justifiaient assez la présence de cet ouvrage dans ses archives sonores et qu'une circonstance exceptionnelle la rendait précieuse et indispensable, c'est le concours pour jouer le Menteur d'un Dorante qui nous vient tout droit de Molière. Il ne faut rien exagérer. Il nous suffit de savoir que sa filiation remonte si loin qu'elle a toutes les chances de remonter jusqu'à Molière. Il s'agit de M. Émile de Hély, qui reste le modèle le plus achevé des marquis du répertoire. Il a été l'élève de Delaunay, grand maître en raffinement et en délicatesse. Vous pourrez apprécier dans un instant l'aisance dans la diction, la souplesse dans le maniement du vers, virtuosité et intelligence du texte, dont le secret est en train de se perdre, si nous n'y prenons garde. L'exemple de M. Émile de Hély nous fait sentir de combien nous nous écartons de la perfection. On sait que Delaunay était un élève de Firmin, qui répandit sur la première moitié du XIXe siècle la grâce et l'allégresse qu'il avait hérité de Fleury. Et nous voilà en quelques pas avant la Révolution. Fleury tenait de Mollet des conseils et des traditions que celui-ci tenait d'un autre Fleury, un Fleury liard, moins illustre que l'autre, et qui ne se rappelle à notre souvenir que pour avoir connu Baron dans les dernières années de sa vie. Par Baron, nous touchons à Molière. C'est bien ce que je disais. On sait que Baron, jeune comédien de 15 ans, avait ébloui Molière jusqu'à le troubler, qu'il a recueilli de lui les plus précieux conseils et qu'il a eu le talent de les comprendre et de les faire valoir, ainsi de bouche à oreille, avec tout ce que la magie du temps ajoute aux traditions, nous allons entendre un Dorante tel que Molière a pu l'entendre. En tout cas, nous allons entendre un Dorante, comment dirais-je, de naissance. Voilà qui demande précision, on joue toujours le Menteur, et assez bien. Dans l'emploi de marquis, où il a été incomparable, M. Émile de Hély n'a pas trouvé de successeur. Peut-être l'emploi lui-même s'est-il éteint. Ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, les marquis que nous connaissons composent avec talent des personnages pour lesquels ils ne sont pas exactement faits. M. Émile de Hély a été ce personnage toute sa vie, avec une allégresse, un brio, une jeunesse, une sincérité dont nous allons nous-mêmes juger et sur quoi les années semblent n'avoir pas eu de prise. C'est un régal sans pareil qu'une interprétation comme celle-ci. Cette irremplaçable pièce d'anthologie a été réalisée avec tout le soin possible. Et il est agréable de préciser que des comédiens parmi les plus grands ont bien voulu, en hommage à leur grand aîné, lui donner la réplique fût-ce dans de petits rôles. Écoutez donc, chers amis du théâtre, Le Menteur, comédie en 5 actes de Pierre Corneille, avec la distribution suivante. Monsieur Émile de Hély, sociétaire honoraire de la Comédie Française, sera Dorante, le menteur. Monsieur André Bruneau, sociétaire honoraire de la Comédie Française, jouera Cliton, valet de Dorante. Monsieur Maurice Chambreuil, sociétaire de la Comédie Française, Géronte, père de Dorante. Monsieur Paul Bernard sera Alcippe, Jean-Louis Alibert, Philiste, et Roland Bernard, Lycas. Mademoiselle Simone Valère jouera Clarisse. Mademoiselle Françoise Brand, Lucrèce, Mademoiselle Jacqueline Dufrane, Isabelle, et Mademoiselle Jacqueline Cartier, Sabine. Premier acte. à Paris, aux Tuileries. Paresse Dorante et Cliton son valet. À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. La tente où j'ai vécu n'a point été trempée. Mon père a consenti que je suive mon choix et j'ai fait banqueroute à ce fatras de loi. Mais, puisque nous voici dedans les Tuileries, le pays du beau monde et des galanteries, dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier? Ne vois-tu rien en moi qui sente le collier? Comme il est malaisé qu'au royaume du code, on n'a pas une à servir un visage à la mode. J'ai lieu d'appréhender. Ne craignez rien pour vous. Vous ferez en une heure ici 1000 jaloux. Ce visage et sport n'ont point l'air de l'école. Et jamais comme vous, on ne peignit Bartholle. Je prévois du malheur pour beaucoup de maris. Mais que vous semble encore maintenant de Paris? J'en trouve l'air bien doux. Et cette loi bien rude qui m'en avait banni sous prétexte d'études. Toi qui sais les moyens de si bien divertir, ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir, dis-moi comment ce lieu l'on gouverne les dames? C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, disent les beaux esprits. Mais sans faire le fin, vous avez l'appétit ouvert de bon matin. D'hier au soir seulement, vous êtes dans la ville et vous vous ennuyez déjà d'être inutile. Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour. Je suis auprès de vous en fort bonne posture de passer pour un homme à donner tablature. J'ai la taille d'un maître en ce noble métier. Je suis tout au moins l'intendant du quartier. Ne t'effarouche point. Je ne cherche à vrai dire que quelques connaissances où l'on se plaise à rire, qu'on puisse visiter par divertissement, où l'on puisse en douceur couler quelques moments. Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche. J'entends. Vous n'êtes pas un homme de débauche. Oh. Et tenez celle-là trop indigne de vous que le son d'un écu rentrait à vous à tous. Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes où peuvent tout venant débiter leurs fleurettes, mais qui ne font l'amour que de Babil et Dieu. Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux. Loin de passer son temps chez un père chez elle, et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles. Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal que ces femmes de bien qui se gouvernent mal, et de qui la vertu, quand on leur fait service, n'est pas incompatible avec un peu de vice. Vous en virez ici de toutes les façons. Ne me demandez point cependant de leçons, ou je me connais mal à voir votre visage, ou vous n'en êtes pas à votre apprentissage. Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains. À ne rien déguiser, Cliton. Je te confesse qu'à Poitiers, j'ai vécu comme vit la jeunesse. J'étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers. Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers. Oh. Le climat différent veut une autre méthode. Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode. La diverse façon de parler et d'agir de nos nouveaux venus, souvent de quoi rougir. Chez les provinciaux, on prend ce qu'on rencontre. Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre. Mais il faut à Paris bien d'autres qualités. On ne s'éblouit point de ces fausses clartés. Et tant de gens que l'on y voit ensemble font qu'on est mal reçu si l'on ne leur ressemble. Connaissez mieux Paris puisque vous en parlez. Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés. L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence. On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France. Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs, il y croit des badauds autant et plus qu'ailleurs. Dans la confusion que ce grand monde apporte, il y vient de tous lieux des gens de toutes sortes. Et dans toute la France, il est fort peu d'endroits dont il n'est le rebut aussi bien que le choix. Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise et vaut communément autant comme il se prise. De bien pire que vous s'y font assez valoir. Mais, et pour venir au point que vous voulez savoir, êtes-vous libéral? Je ne suis point avare. C'est un secret d'amour et bien grand et bien rare. Mais il faut de l'adresse à le bien débiter, autrement on s'y perd au lieu d'en profiter. Tel donne à pleine main qui n'oblige personne. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. L'un perd exprès au jeu, son présent déguisé. L'autre oublie un bijou qu'on leur a refusé. Un lourdeau libéral auprès d'une maîtresse semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse. Et dans tel contretemps, il fait tout ce qu'il fait que quand il tâche à plaire, il offense en effet. Le fond las, c'est lourdeau contre qui tu déclames. Et me dis seulement, si tu connais cette dame. Non. Cette marchandise est de trop bonne alloi. Je n'ai point la gibier à des gens comme moi. Mmh. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles. Penses-tu qu'il t'en dit ? Assez pour en mourir, puisque c'est un cocher. Il aime à discourir. Clarisse paraît, faisant un faux pas, et comme se laissant choir... Aïe ! Ce malheur me rend un favorable office, puisqu'il me donne lieu de ce petit service. Et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main. L'occasion est si fort peu vous favorise. Et ce faible bonheur ne vaut pas qu'on le prise. Il est vrai. Je le dois tout entier au hasard. Mes soins, ni vos désirs, n'y prennent point de part. Et cette douceur, mêlée avec cette amertume, ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, puisqu'enfin, ce bonheur que j'ai si fort prisé... À mon peu de mérite, tu t'étais refusé. S'il a perdu si tôt ce qui pouvait vous plaire, je veux être à mon tour d'un sentiment contraire et crois qu'on doit trouver plus de félicité à posséder un bien sans l'avoir mérité. Aussi ne croyez pas que jamais je prétends obtenir par mérite une faveur si grande. J'en sais mieux le haut prix. Et mon cœur amoureux. Moi, je s'en connais digne et plus s'en tient heureux. On me l'a toujours pu dénier sans injure. Et si, la recevant, ce cœur même en murmure, il se plaint du malheur de sa félicité que le hasard lui donne et non vos volontés. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire, comme l'intention seule en forme le prix. Assez souvent, sans elle, on les joint au mépris. Jugez par là, quel bien peut recevoir ma flamme d'une main qu'on me donne en me refusant l'âme. Je la tiens, je la touche, et je la touche en vain si je ne puis toucher le cœur avec la main. Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, puisque j'en viens de voir la première étincelle. Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment... Le mien ne sut jamais brûler si promptement. Oh. Mais peut-être à présent que j'en suis avertie, le temps donnera place à plus de sympathie. Oh. Confessez cependant qu'à tort vous murmurez du mépris de vos feux que j'avais ignoré. C'est l'effet du malheur qui partout m'accompagne. Depuis que j'ai quitté les guerres d'Allemagne, c'est-à-dire du moins depuis un an entier, je suis et jour et nuit dedans votre quartier. Je vous cherche en tout lieu, au bal, aux promenades. Vous n'avez que de moi reçu des sérénades. Et je n'ai pu trouver que cette occasion à vous entretenir de mon affection. Quoi ? Vous avez donc vu l'Allemagne et la guerre ? Je m'y suis fait 4 ans craindre comme un tonnerre. Que lui va-t-il compter ? Et durant ces 4 ans, il ne s'est fait combat ni sièges importants. Nos armes n'ont jamais remporté de victoire. Ou cette main n'est-tu bonne part à la gloire ? Mais fait par la gazette en tout lieu divulgué. Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaillez ? Tais-toi. Vous rêvez, dis-je. Mais tais-toi, misérable. Vous venez de Poitiers ou je me donne au diable, vous en revint hier. Te tairas-tu, Marot ? Mon nom, dans nos succès, s'était mis assez haut pour faire quelques bruits sans beaucoup d'injustice. Et je suivrais encore un si noble exercice, n'était que l'autre hiver, faisant ici ma cour. Je vous vis et je fus retenu par l'amour. Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes. Je me fis prisonnier de tant d'aimables charmes. Je leur livrai mon âme. Et ce cœur généreux, dès ce premier moment, oublia tout pour eux. De vaincre dans les combats commandés dans l'armée, de 1000 exploits fameux, enfler ma renommée. Et tous ces nobles soins qui m'avaient su ravir, cédèrent aussitôt à ceux de vous servir. Madame, Alcippe vient, il aura de l'ombrage. Et nous en saurons, monsieur, quelques jours davantage. Adieu. Quoi, me priver si tôt de tout mon bien ? Nous n'avons pas loisir d'un plus long entretien. Et malgré la douceur de me voir cajolée, il faut que nous fassions seuls 2 tours d'allée. Cependant, accordez à mes vœux innocents la licence d'aimer des charmes si puissants. Un cœur qui veut aimer, qui sait comme on aime, n'en demande jamais licence qu'à soi-même. Oh. Suis-le, Cliton. Je sais ce qu'on en peut savoir. La langue du cocher a bien fait son devoir. La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse. Elle loge à la place et son nom est Lucrèce. Quelle place ? Royale. Et l'autre y loge aussi. Il n'en sait pas le nom, mais j'en prendrai souci. Ne te mets point, quittons à peine de l'apprendre. Celle qui m'a parlé, celle qui m'a su prendre, c'est Lucrèce. Je l'ai sans aucun contredise. Sa beauté m'en assure et mon cœur me le dit. Quoique mon sentiment doive respect qu'au vôtre, la plus belle des deux, je crois que ce soit l'autre. Quoi ? Celle qui s'est tue et qui, dans nos propos, n'a jamais eu l'esprit de mêler quatre mots ? Monsieur, quand une femme a le don de se taire, elle a des qualités au-dessus du vulgaire. C'est un effort du ciel qu'on a peine à trouver. Sans un petit miracle, il ne peut l'achever. Et la nature souffre extrême violence lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence. Pour moi, jamais l'amour n'inquiète mes nuits. Et quand le cœur m'en dit, j'en prends pas où je puis. Mais naturellement, femme qui se peut taire, assure-moi tel pouvoir et tel don de me plaire. Qu'eût-elle en vrai magot tout le corps fagoté, je lui voudrais donner le prix de la beauté. C'est elle assurément qui s'appelle Lucrèce. Cherchez un autre nom pour l'objet qui vous blesse. Ce n'est point l'Alcien. Celle qui n'a dit mot, monsieur. C'est la plus belle. Ou je ne suis qu'un sot. Je t'en crois sans jurer avec des incartades. Mais voici les plus chers de mes vieux camarades. Ils semblent étonnés à voir leur action. Nous voyons alors Alcippe et Philiste. Quoi ? Sur l'eau, la musique et la collation ? Oui, la collation avec la musique. Hier au soir ? Hier au soir. Et belle ? Magnifique. Et par qui ? C'est de quoi je suis mal éclairci. Que mon bonheur est grand de vous revoir ici ! Le mien est sans pareil, puisque je vous embrasse. Oh. J'ai rompu vos discours d'assez mauvaise grâce. Vous le pardonnerez à l'aise de vous voir. Avec nous, de tout temps, vous avez tout pouvoir. Mais de quoi parliez-vous ? D'une galanterie. D'amour ? Je le présume. Achevez, je vous prie. Et c'est vrai qu'à ce mot, ma curiosité vous demande sa part de cette nouveauté. On dit qu'on a donné musique à quelques dames. Sur l'eau ? Sur l'eau. Souvent l'eau, on dira rite la flamme. Mais quelquefois. Et ce fut hier au soir ? Hier au soir. Dans l'ombre de la nuit, le feu se fait mieux voir. Le temps était bien pris. Cette dame, elle est belle. Aux yeux de bien du monde, elle passe pour telle. Et la musique ? Assez pour n'en rien dédaigner. Quelques collations a pu l'accompagner. On le dit. Fort superbe. Et fort bien ordonné. Et vous ne savez point celui qui l'a donné. Vous en riez ? Oh, je ris de vous voir étonné d'un divertissement que je me suis donné. Vous ? Moi-même. Et déjà, vous avez fait maîtresse ? Si je l'en avais fait, j'aurais bien peu d'adresse, moi qui depuis un mois suis ici d'entour. Il est vrai que je sors fort peu souvent de jour, de nuit, incognito, je rends quelques visites, ainsi. Vous ne savez, monsieur, ce que vous dites. Tais-toi ! Si jamais plus tu me viens avertir ! J'ai rage de me taire et d'entendre mentir. Voyez qu'heureusement, dedans cette rencontre, votre rival lui-même, à vous-même, se montre. Comme mes chers amis, je vous veux tout compter. J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Les 4 contenaient 4 chœurs de musique capables de charmer le plus mélancolique. Au premier violon, en l'autre lutte des voix, des flûtes au troisième, au dernier des hautbois qui, tour à tour dans l'air, poussaient des harmonies dont on pouvait nommer les douceurs infinies. Le cinquième était grand, tapissé tout exprès de rameaux enlacés pour conserver le frais, dont chaque extrémité portait un doux mélange de bouquets de jasmin, de grenades et d'oranges. Je fis de ce bateau la salle du festin. Là, je menai l'objet qui seul fait mon destin. De 5 autres beautés, la sienne fut suivie, et la collation fut aussitôt servie. Je ne vous dirai pas les différences après, le nom de chaque plat, le rang de chaque mets. Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices, on servit 12 plats et qu'on fit 6 services, cependant que les eaux, les rochers et les airs répondaient aux accents de nos 4 concerts. Après qu'on eut mangé, 1000 et 1000 fusées s'élançant vers les cieux, ou droite, ou sous croisée, firent un nouveau jour. D'où tant de serpenteaux, d'un déluge de flammes attaquèrent les eaux, qu'on crut que pour leur faire une plus rude guerre, tout l'élément du feu tombait du ciel en terre. Après ce passe-temps, on dansa jusqu'au jour dont le soleil jaloux avança le retour. S'il eût pris notre avis, sa lumière importune n'eût pas troublé si tôt ma petite fortune. Mais n'étant pas d'humeur à suivre nos désirs, il sépara la troupe et finit nos plaisirs. Certes, vous avez grâce à compter ces merveilles. Paris, tout grand qu'il est, en voit peu de pareils. J'avais été surpris. Et la bûchette de Mève ne m'avait tout au plus donné qu'une heure ou deux. Cependant, l'ordre est rare. Il a des ponces belles. Il s'est fallu passer dans cette bagatelle. Alors que le temps presse, on n'a pas à choisir. Adieu. Nous nous verrons avec plus de loisirs. Faites état de moi. Je meurs de jalousie. Sans raison, toutefois, votre âme en est saisie. Les signes du festin ne s'accordent pas bien. Le lieu s'accorde et l'heure. Et le reste n'est rien. Alcippe et Phyllis disparaissent. Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire? Je remets à ton choix de parler ou te taire. Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent. Votre ordinaire est-il de rêver en parlant? Comme vois-tu rêver? J'appelle rêverie ce qu'en d'autre qu'un maître on nomme menterie. Je parle avec respect. Pauvre esprit. Je le perds quand je vous vois parler de guerre et de concert. Vous voyez sans péril nos batailles dernières et faites des festins qui ne vous coûtent guère. Pourquoi depuis un an vous feindre de retour? J'en montre plus de flamme. Et j'en fais mieux ma cour. Qu'a de propre la guerre à montrer votre flamme? Oh! Le beau compliment à charmer une dame. De lui dire d'abord, j'apporte à vos beautés un cœur nouveau venu des universités. Si vous avez besoin de lois et de rubriques, je sais le code entier, avec les authentiques, le digeste nouveau, le vieux, la forcia, ce qu'on a dit, Jason, Balde, Accurse, Alcia. Que ces riches discours nous rend considérables, qu'on amollit par là de cœurs inexorables, qu'un homme à paragraphe est un joli galant. On s'introduit bien mieux à titre de vaillant. Tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace à mentir à propos jurés de bonne grâce, étaler force mots qu'elles n'entendent pas, faire sonner Lambois, Jean de Verre et Galas, nommez quelques châteaux, d'où qu'il est nom barbare, plus ils blessent l'oreille et plus leur semblera. Avoir toujours en bouche, Angline, Fosse et Vedette, Contrescarpe et travaux avancés, sans ordre et sans raison n'importe, on les étonne, on leur fait admirer les belles qu'on leur donne. Est-elle, à la faveur d'un semblable débit, passe pour un illustre et se met en crédit. À qui vous veut tuer, vous en faites bien croire. Mais celle-ci, bientôt, peut savoir votre histoire. J'aurais déjà gagné chez elle quelque accès. Et loin d'en douter un malheureux succès, si jamais un fâcheux nous nuit par sa présence, nous pourrons sous ses mots être d'intelligence. Voilà, traiter l'amour, Cliton, et comme il faut. À vous dire le vrai, je tombe de bien haut. Mais parlons du festin. Urgande et Mélusine n'ont jamais sur le champ mieux fourni leur cuisine. Vous allez au-delà de leurs enchantements. Vous seriez un grand maître à faire des romans. Ayant si bien en main le festin et la guerre, vos gens, en moins de rien, courraient toute la terre. Et ce serait pour vous des travaux fort légers que d'y mêler partout la pompe et les dangers. Ces hautes fictions vous sont bien naturelles. J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles. Et sitôt que j'envoie quelqu'un s'imaginer que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner, je le sers aussitôt d'un conte imaginaire qui l'étonne lui-même et le force à se taire. C'est du mauvais savoir. Quel plaisir on a alors de leur faire rentrer leurs nouvelles au corps. Je le juge assez grand, mais enfin, ces pratiques vous couvriront de honte en devenant public. N'en prends point de soucis. Mais tous ces fins discours m'empêche de chercher l'objet de mes amours, tâchons de le rejoindre, et sache qu'à me suivre, je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre. Deuxième acte. Dans la maison de Clarisse, Géronte, père de Dorante, lui rend visite. Je sais qu'il vaut beaucoup étant sorti de vous, mais monsieur, sans le voir, accepter un époux par quelque haut récit qu'on en soit convié, c'est grande avidité de se voir marié. D'ailleurs, en recevoir visite et compliments, et lui permettre accès en qualité d'amant, à moins qu'à vos projets un plein effet réponde, ce serait trop donné à discourir au monde. Trouvez donc un moyen de me le faire voir sans m'exposer au blâme et manquer au devoir. Oui, vous avez raison, belle et sage Clarisse. Ce que vous m'ordonnez est la même justice. Et comme c'est à nous à subir votre loi, je reviens tout à l'heure et Dorante avec moi. Je le tiendrai longtemps dessous votre fenêtre, afin qu'avec loisir vous le puissiez connaître, examiner sa taille et sa mine et son air, et voir quel est l'époux que je vous veux donner. Il vint tiers de Poitiers, mais il sent peu d'école, et si l'on pouvait croire un père à sa parole, quelque écolier qu'il soit, je dirais qu'aujourd'hui, peu de nos gens de cour sont mieux taillés que lui. Mais vous en jugerez après la voie publique. Je cherche à l'arrêter parce qu'il m'est unique et je brûle surtout de le voir sous vos lois. Vous m'honorez beaucoup d'un si glorieux choix. Je l'attendrai, monsieur, avec impatience et je l'aime déjà sur cette confiance. Ainsi, vous le verrez et sans vous engager. Mais pour le voir ainsi, qu'en pourrais-je juger? J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence. Mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance? Le dedans paraît mal en ces miroirs flatteurs. Les visages souvent sont de doux imposteurs. Que de défauts d'esprit se couvrent de leur grâce et que de beaux semblants cachent des âmes basses. Les yeux, en ce grand choix, ont la première part. Mais leur déférer tous et tout mettre au hasard. Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire. Mais sans leur obéir, il doit les satisfaire en croire leur refus et non pas leur aveu. Et sur d'autres conseils, laisser naître son feu. Cette chaîne qui dure autant que notre vie et qui devrait donner plus de peur que d'envie. Si l'on y prend bien garde, attache assez souvent le contraire au contraire et le mort au vivant. Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maître, avant que d'accepter, je voudrais le connaître, mais connaître dans l'âme. Eh bien, qu'il parle à vous. Alcipe, le sachant, deviendrait jaloux. Qu'importe qu'il le soit, si vous avez Dorante. Sa perte ne m'est pas encore indifférente. Et l'accord de l'hymen entre nous concertés, si son père venait, serait exécuté. Depuis plus de 2 ans, il promet et diffère. Tantôt ses maladies et tantôt quelque affaire. Le chemin est mal sûr, ou les jours sont trop courts, et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. Je prends tous ces délais pour une résistance, et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. Ainsi, vous quitteriez Alcipe pour un autre de qui l'humeur aurait de quoi plaire à la vôtre. Oui, je le quitterai. Mais pour ce changement, il me faudrait en main avoir un autre amant. Savoir qu'il me fut propre. Et que mon hyménée dut bientôt à la sienne unir ma destinée. Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien, car Alcipe, après tout, vaut toujours mieux que rien. Son père peut venir, quelque longtemps qu'il tarde. Pour en venir à bout, sans que rien s'y hasarde, Lucrèce est votre amie et peut beaucoup pour vous. Elle n'a point d'amant qui devienne jaloux. Qu'elle écrive à Dorante et lui fasse paraître qu'elle veut, cette nuit, le voir par sa fenêtre. Comme il est jeune encore, on l'y verra voler. Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler, sans qu'Alcipe jamais en découvre l'adresse, ni que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce. L'invention est belle, et Lucrèce aisément se résoudra pour moi d'écrire un compliment. J'admire ton adresse à trouver cette ruse. Puis-je vous dire encore que, si je ne m'abuse, tantôt cet inconnu ne vous déplaisait pas. Ah, bon Dieu, si Dorante avait autant d'appât que d'Alcipe aisément, il obtiendrait la place. Ne parlez point d'Alcipe, il vient. Qu'elle m'embarrasse. Va pour moi chez Lucrèce et lui dis mon projet et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet. Ah, Clarisse inconstante, volage. Aurait-il déjà deviné ce mariage? Alcipe, qu'avez-vous? Qui vous fait soupirer? Ce que j'ai, déloyal. Et peux-tu l'ignorer? Parle à ta conscience. Elle devrait t'apprendre. Parlez un peu plus bas, mon père va descendre. Ton père va descendre. Âme double et 100 fois. Confesse que tu n'as un père que pour moi. La nuit, sur la rivière. Eh bien, sur la rivière. La nuit, quoi qu'est-ce, enfin? Oui, la nuit, tout entière. Après? Quoi, sans rougir? Rougir à quel propos? Tu ne meurs pas de honte entendant ces deux mots? Mourir pour les entendre, et qu'ont-ils de funeste? Tu peux donc les ouïr et demander le reste. Ne saurais-tu rougir si je ne te dis tout? Mais quoi, tout? Tes passe-temps, de l'un à l'autre bout. Je meurs en vos discours si je puis rien comprendre. Quand je te veux parler, ton père va descendre. Il t'en souvient alors, le tour est excellent. Mais pour passer la nuit auprès de ton galant... Ah, le chip, êtes-vous fou? Je n'ai plus lieu de l'être, à présent que le ciel me fait mieux connaître. Oui, pour passer la nuit en danse et festin, être avec ton galant du soir jusqu'au matin, je ne parle que d'hier. Tu n'as point alors de père. Rêvez-vous, raillez-vous, et quel est ce mystère? Ce mystère est nouveau, mais non pas fort secret. Choisis une autre fois un amant plus discret. Lui-même, il m'a tout dit. Qui lui-même? Dorante. Dorante? Continue. Et fais bien l'ignorante. Si je le vis jamais, si je le connais. Ne viens-je pas de voir son père avec toi? Tu passes, infidèle, à main gratte et légère, la nuit avec le fils, le jour avec le père. Son père de vieux temps est grand ami du mien. Cette vieille amitié faisait votre entretien. Tu te sens convaincu et tu m'oses répondre. Te faut-il quelque chose encore pour te confondre? Non, le cip, si je sais quel visage a le fils. La nuit était fort noire alors que tu le vis. Il ne t'a pas donné... 4 chœurs de musique, une collation superbe et magnifique, 6 services de rang, 12 places à chacun. Son entretien alors t'était fort important. Quand ses feux d'artifice éclairaient le rivage, tu n'eus pas le loisir de le voir au visage. Tu n'as pas avec lui dansé jusqu'au jour et tu ne l'as pas vu pour le moins au retour. T'en ai-je dit assez? Rougis et meurs de honte. Je ne rougirai point pour le récit d'un conte. Je suis donc un fourbe, un bizarre, un jaloux. Quelqu'un a pris plaisir à se jouer de vous, Alcip, croyez-moi. Ne cherche pas l'excuse. Je connais tes détours et devine tes ruses. Adieu. Suis ton Dorante et l'aime désormais. Laisse en repos, Alcip, et n'y pense jamais. Écoutez, 4 mots. Ton père va descendre. Non, il ne descend point et ne peut nous entendre. Et j'aurai tout loisir de vous désabuser. Je ne t'écoute point à moins que m'épouser. À moins qu'en attendre le jour du mariage, m'en donner ta parole et 2 baisers d'engage. Pour me justifier, vous demandez de moi, Alcip? 2 baisers et ta main et ta foi. Que cela? Résoute-toi, sans plus me faire attendre. Je n'ai pas le loisir. Mon père va descendre. Va. Ris de ma douleur alors que je te perds. Par ces indignités, romps toi-même mes fers. Aide mes feux trompés à se tourner en glace. Aide un juste courrouze à se mettre en leur place. Je cours à la vengeance et porte à ton amant le vif et prompt effet de mon ressentiment. Alcip a quitté la maison de Clarisse et se trouve sur la place royale. S'il est homme de cœur, ce jour même, nos armes régleront par leur sort des plaisirs ou tes larmes. Et plutôt que le voir possesseur de mon bien, puissé-je dans son sang voir couler tout le mien. Le voici, ce rival que son père t'amène. Ma vieille amitié cède à ma nouvelle haine. Sa vue accroît l'ardeur dont je me sens brûlé. Mais ce n'est pas ici qu'il faut le crêler. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Paris semble à mes yeux un pays de roman. J'y croyais ce matin voir une île enchantée. Je la laissais déserte et la trouve habitée. Quelque enfion nouveau, sans l'aide des maçons. En superbe palais a changé ses buissons. Paris voit tous les jours de ces métamorphoses. Dans tout le préau clair, tu verras même chose. Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime. Je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Comme de mon hymen il n'est sorti que toi, et que je te vois prendre un périlleux emploi où l'ardeur pour la gloire a tout osé convie et force à tout instant de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être advenu pour te faire marcher un peu plus retenu, je te veux marier. Oh, ma chère Lucrèce! Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse, honnête, belle, riche. Oh, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisir. Je la connais assez. Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris, il en soit de son âge, son père, de tout temps, est mon plus grand ami. Et l'affaire est conclue. Oh, monsieur, je frémis d'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse. Fais ce que je t'ordonne. Il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur, à présent, qu'il faut dans les combats acquérir quelques noms et signaler mon bras. Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. C'est ce que je te dis. Mais s'il m'est impossible. Impossible? Et comment? Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Parle donc que tu lèves. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. Sans mon consentement? On m'a violenté. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais nous fûmes tous deux forcés à l'immener par la fatalité la plus inopinée. Oh, si vous la saviez. Et dis, ne me cache rien. Elle est de fort bon lieu, mon père. Et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur souhaite. Nous fâchons à cela près, puisque ces choses faites. Elle se nomme Orphis. Et son père, Armédon. Je ne l'ai jamais oui, ni l'un ni l'autre nom. Mais, poursuis. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fait pas sauver tant elle avait d'appât. Et dans son œil vainqueur, par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchais donc chez elle à faire connaissance. Et les soins obligeants de ma persévérance surplairent de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes. Et j'étendis si loin mes petites conquêtes qu'en son quartier, souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle d'une part de la nuit. Un soir, que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, il m'en souvient, le second de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Ce soir même, son père, en ville, avait soupé. Il monte à son retour. Il frappe à la porte. Elle, transie, pâlie, rougie, me cache en sa ruelle. Ouvre enfin, et d'abord... Quelle d'esprit et d'art. Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue. Il se sied. Il lui dit qu'il veut l'avoir pourvue, lui propose la partie qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait l'heure à souffrir par sa réponse à droite. Elle sut si bien faire que, sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina. Le bonhomme partait quand ma montre sonna. Et lui, se retournant vers sa fille étonnée, depuis quand cette montre? Et qui vous l'a donnée? Acas, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle. Il veut ici la faire nettoyer, n'ayant point d'horloger au lieu de sa demeure. Il est déjà sonné 2 fois en 1/4 d'heure. Donnez-la-moi, dit-il. J'en prendrai mieux le soin. Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin. Je la lui donne en main, mais... Voyez ma disgrâce. Avec mon pistolet, le cordon se s'embarrasse, fait marcher le déclin, le feu prend, le coup part. jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe par terre et moi, je la crue morte. Le père épouvanté gagne aussi de la porte. Il appelle au secours. Il crie à l'assassin. Son fils et deux valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte et combattant de rage, au milieu de tous trois, je me faisais passage. Quand un autre malheur de nouveau me perdit, mon épée en ma main, en trois morceaux, rompit, désarmé. Je recule et rentre. Alors, Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons pour défense nouvelle le grand table, coffre, lit et jusqu'aux escabelles. Nous nous barricadons et dans ce premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais comme à ce rempart, l'un et l'autre travaillent d'une chambre voisine. On perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. C'est-à-dire, en français, qu'il fallut l'épouser. Ici, Clarisse les voit de sa fenêtre, et Lucrèce, avec Isabelle, les voit aussi de la sienne. Les siens m'avaient trouvé de nuit seul avec elle. Ils étaient les plus forts. Elle me semblait belle. Le scandale était grand. Son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril, ses larmes, à mon cœur amoureux, étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie, ainsi que son honneur, et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeais d'un seul mot la tempête en bonasse, et fis ce que tout autre aurait fait en ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir. Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses et trouve en ton malheur de telles circonstances que mon amour t'excuse et mon esprit touché te blâme seulement de l'avoir trop caché. Le peu de bien qu'elle a me faisait vous le taire. Je prends peu garde au bien afin d'être bon père. Elle est belle. Oh. Elle est sage. Oh. Elle sort de bon lieu. Oh. Tu l'es. Mmh. Elle t'est. Mmh. Il me suffit. Adieu. Je vais me dégager du père de Clarisse. Que dis-tu de l'histoire et de mon artifice? Le bonhomme en tient-il? M'en suis-je bien tiré? Quelques sourds en ma place y seraient demeurés. Il eut perdu le temps à gémir, à se plaindre, et malgré son amour, ce fut laissé contraindre. Oh, l'utile secret que mentir à propos. Quoi? Ce que vous disiez n'est pas vrai? Pas deux mots. Et tu ne viens d'ouvrir qu'un trait de gentillesse pour conserver mon âme et mon cœur à Lucrèce. Quoi, la montre, l'épée, avec le pistolet? Industrie! Oh, obligez monsieur votre valet quand vous voudrez jouer de ses grands coups de maître, donnez-lui quelques signes à les pouvoir connaître. Quoique bien averti, j'étais dans le panneau. N'appréhende pas d'y tomber de nouveau. Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire et de tous mes secrets le grand dépositaire. Avec ces qualités, j'ose bien espérer qu'assez malaisément je pourrai m'emparer. Mais parlons de vos vœux. Certes, cette maîtresse... Lisez ceci, monsieur. D'où vient-il? De Lucrèce. Ah. Oh. Dis-lui que j'y viendrai. Doute encore, Cliton, à laquelle des deux appartient ce beau nom. Lucrèce sent sa part des feux qu'elle fait naître et me veut cette nuit parler par sa fenêtre. Dis encore que c'est l'autre ou que tu n'es qu'un sot. Qu'aurait l'autre à m'écrire à qui je n'ai dit mot? Monsieur, pour ce sujet, n'ayons point de querelle. Cette nuit, à la voix, nous saurons si c'est elle. Coule-toi là-dedans, et de quelqu'un des siens, sache subtilement sa famille et ses biens. Monsieur. Autre billet? Dorante a lu tout bas le billet qu'on vient de lui remettre. J'ignore quelle offense peut d'Alcippe avec moi rompre l'intelligence. Mais n'importe. Dis-lui que j'irai volontiers te suis. Je revois hier au soir de Poitiers. D'aujourd'hui seulement, je produis mon visage. Et j'ai déjà querelle, amour et mariage. Pour commencement, c'est pas mal trouvé. Viens encore un procès et je suis achevé. Troisième acte. Sur la place royale, les trois amis, Dorante, Alcippe, Philiste, paraissent. Oui, vous faisiez tous deux en homme de courage et n'aviez l'un ni l'autre aucun désavantage. Je rends grâce au ciel de ce qu'il a permis que je sois survenu pour vous refaire amis et que, la chose égale, ainsi je vous sépare. Mon heure en est extrême et l'aventure rare. L'aventure est encore bien plus rare pour moi qui lui faisait raison sans avoir su de quoi. Mais Alcippe, à présent, tirez-moi hors de peine. Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine? Quelque mauvais rapport m'aurait-il pu noircir? Dites que devant lui, je vous puisse éclaircir. Vous le savez assez. Plus je me considère, moins je découvre en moi ce qui peut vous déplaire. Eh bien, puisqu'il vous faut parler plus clairement, depuis plus de 2 ans, j'aime secrètement. Mon affaire est d'accord et la chose vaut au fait, mais pour quelques raisons, nous la tenons secrète. Cependant, à l'objet qui me tient sous sa loi et qui, sans me trahir, ne peut être qu'à moi, vous avez donné bal, collation, musique. Et vous n'ignorez pas combien cela me pique, puisque pour me jouer un si sensible tour, vous m'avez à dessein caché votre retour. Et n'avez aujourd'hui quitté votre embuscade qu'afin de m'en conter l'histoire, par bravade. Ce procédé m'étonne. Et j'ai lieu de penser que vous n'avez rien fait qu'afin de me forcer. Si vous pouviez encore douter de mon courage, je ne vous guérirais ni d'erreur ni d'ombrage. Et nous nous reverrions si nous étions rivaux. Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux, écoutez en 2 mots l'histoire démêlée. Celle que cette nuit sur l'eau j'ai régalée n'a pu vous donner lieu de devenir jaloux car elle est mariée. Et peut-être à vous. Depuis peu pour affaire, elle est ici venue et je ne pense pas qu'elle vous soit connue. Je suis ravi, Dorante, en cette occasion, de voir finir si tôt notre division. Alcippe, une autre fois, donnez moins de croyance au premier mouvement de votre défiance. Jusqu'à mieux savoir tout, sachez vous retenir et ne commencez plus par où l'on doit finir. Adieu. Je suis à vous. Ce cœur encore soupire. Hélas. Je sors d'un mal pour tomber dans un pire. Cette collation, qui leur a pu donner? À qui puis-je m'en prendre? Et que m'imaginer? Que l'ardeur de Clarisse est égale à vos flammes! Cette galanterie était pour d'autres dames. L'erreur de votre page a causé votre ennui. S'étant trompé lui-même, il vous trompe avec lui. J'ai tout su de lui-même et des gens de Lucrèce. Il avait vu chez elle entrer votre maîtresse. Mais il n'avait pas su qu'Hippolyte et Daphné, ce jour-là, par hasard, chez elle avaient dîné. Il les envoie sortir, mais à coiffe abattue. Et sans les approcher, il suit de rue en rue. En couleur, au carrosse, il ne doute de rien, tout était à Lucrèce. Et le dupe si bien que, prenant ses beautés pour Lucrèce et Clarisse, il rend à votre amour un très mauvais service. Il les voit donc aller jusqu'au bord de l'eau, descendre le carrosse, entrer dans un bateau. Il voit porter des plats, entend quelques musiques, à ce que l'on m'a dit assez mélancolique. Mais cessez d'en avoir l'esprit inquiété, car enfin le carrosse avait été prêté. La vie se trouve faux. Et ces 2 autres belles avaient en plein repos passé la nuit chez elles. Quel malheur est le mien! Ainsi donc, sans sujet, j'ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet. Je ferai votre paix. Mais sachez autre chose. Celui qui de ce trouble est la seconde cause, Dorante, qui tantôt nous en a tant conté de son festin superbe et sur l'heure apprêtée, lui qui, depuis 1 mois, nous cachant sa venue, la nuit, incognito, visite une inconnue, il vint hier de Poitiers, et sans faire aucun bruit, chez lui, paisiblement, a dormi toute nuit. Quoi? Sa collation? N'est rien qu'un pur mensonge. Ou, quand il l'a donné en songe. Dorante, en ce combat si peu prémédité, m'a fait voir trop de cœur pour tant de lâcheté. La valeur n'apprend point la fourbe en son école. Tout homme de courage est homme de parole. À des vices si bas, il ne peut consentir et fuit plus que la mort la honte de mentir. Cela n'est point. Dorante, à ce que je présume, est vaillant par nature et menteur par coutume. Ayez sur ce sujet moins d'incrédulité et vous-même admirez notre simplicité. À nous laisser duper, nous sommes bien novices. Une collation servie à 6 services, 4 concierges entiers, tant de plats, tant de feu, tout cela cependant prêt en 1 heure ou 2, comme si l'appareil d'une telle cuisine fût descendu du ciel dedans quelques machines. Quiconque le peut croire ainsi que vous et moi, s'il a manqué de sens, n'a pas manqué de foi. Pour moi, je voyais bien que tout ce badinage répondait assez mal aux remarques du page. Mais vous... La jalousie aveugle un cœur atteint et sans examiner croit tout ce qu'elle craint. Mais laissons la Dorante avec son audace. Allons trouver Clarisse et lui demander grâce. Elle pouvait tantôt m'entendre sans rougir. Attendez à demain et me laissez agir. Je veux par ce récit vous préparer la voie, dissiper sa colère et lui rendre sa joie. Ne vous exposez point pour gagner un moment aux premières chaleurs de son ressentiment. Si du jour qui s'enfuit la lumière est fidèle, je pense l'entrevoir avec son Isabelle. Je suivrai tes conseils et fuirai son courroux jusqu'à ce qu'elle ait ri de m'avoir vu jaloux. Alcippe et Philiste se sont éloignés. Paraissent à l'heure Clarisse et Isabelle. Isabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce. Il n'est pas encore tard et rien ne vous empresse. Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit. À peine ai-je parlé qu'elle a sur l'heure écrit. Clarisse à la servir ne serait pas moins prompte. Mais dis par sa fenêtre, as-tu bien vu Géronte? Et sais-tu que ce fils qui m'avait tant vanté est ce même inconnu qui m'en a tant conté? Lucrèce, avec moi je l'ai fait reconnaître. Et sitôt que Géronte a voulu disparaître, le voyant rester seul avec un vieux valet, Sabine, à nos yeux même, a rendu le billet. Vous parlerez à lui. Qu'il est fourbe, Isabelle. Eh bien, cette pratique est-elle si nouvelle? Dorante est-il le seul qui, de jeune écolier, pour être mieux reçu, s'érige en cavalier? Que j'en sais comme lui qui parle d'Allemagne. Et si l'on veut les croire, on vu chaque campagne, sur chaque occasion, tranche des entendus, compte quelques défaites et des chevaux perdus, qui, dans une gazette apprenant ce langage, s'ils sortent de Paris, ne vont qu'à leur village, et se donnent ici pour témoins approuvés de tous ces grands combats qu'ils ont lus ou rêvés. Il aura cru sans doute, ou je suis fort trompée, que les filles de cœur aiment les gens d'épée. Et vous prenant pour telle, il a jugé soudain qu'une plume au chapeau vous plaît mieux qu'à la main. Ainsi donc, pour vous plaire, il a voulu paraître, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il veut être. Et s'est osé promettre un traitement plus doux dans la condition qu'il veut prendre pour vous. En matière de fourbe, il est maître, il est pipe. Après m'avoir dupé, il dupe encore Alcippe. Ce malheureux jaloux s'est blessé le cerveau d'un festin qu'hier au soir il m'a donné sur l'eau. Juge un peu si la pièce a la moindre apparence. Alcippe cependant m'accuse d'inconstance, me fait une querelle où je ne comprends rien. J'ai, dit-il, toute nuit, souffert son entretien. Il me parle de bal, de danse, de musique, d'une collation superbe et magnifique, servie à tant de plats, tant de fois redoublés, que j'en ai la cervelle et les esprits troublés. Reconnaissez par là que Dorante vous aime, et que dans son amour, son adresse est extrême. Il aura su qu'Alcippe était bien avec vous. Et pour l'en éloigner, il l'a rendu jaloux. Soudain, à cet effort, il en a joint un autre. Il a fait que son père est venu voir le vôtre. Un amant peut-il mieux agir en un moment que de gagner un père et brouiller l'autre amant? Votre père l'agrée et le sien vous souhaite. Il vous aime, il vous plaît. C'est une affaire faite. Elle est faite de vrai ce qu'elle se fera. Quoi? Votre cœur se change et désobéira? Tu vas sortir de garde et perdre tes mesures. Explique, si tu peux, encore ses impostures. Il était marié sans que l'on n'en sût rien. Et son père a repris sa parole du mien, fort triste de visage et fort confus dans l'âme. Oh, je dis à mon tour qu'il est fourbe, madame. C'est bien aimer la fourbe et l'avoir bien en main que de prendre plaisir à fourber sans dessein. Car pour moi, plus j'y songe et moins je puis comprendre quel fruit auprès de vous il en ose prétendre. Mais qu'allez-vous donc faire? Et pourquoi lui parler? Est-ce à dessein d'en rire ou de le quereller? Je prendrai du plaisir du moins à le confondre. J'en prendrai davantage à le laisser morfondre. Je veux l'entretenir par curiosité. Mais j'entrevois quelqu'un dans cette obscurité. Et si c'était lui-même, il pourrait me connaître. Entrons donc chez Lucrèce. Allons à sa fenêtre. Puisque c'est sous son nom que je lui dois parler. Mon jaloux, après tout, sera mon pis-aller. Si sa mauvaise humeur déjà n'est apaisée, sachant ce que je sais, la chose est fort aisée. Clarisse et Isabelle entrent chez Lucrèce et l'on voit à l'heure Dorante et Cliton. Voici l'heure et le lieu que marque le billet. J'ai su tout ce détail d'un ancien valet. Son père est de la robe et n'a qu'elle deux filles. Je vous ai dit son bien, son âge et sa famille. Mais monsieur, ce serait pour me bien divertir si, comme vous, Lucrèce excellait à mentir. Le divertissement serait rare où je meurs, et je voudrais qu'elle eût ce talent pour une heure, qu'elle pût, un moment, vous piper en votre art, rendre compte pour compte et martre pour renard. Donnez d'autres côtés, j'en entendrai de bonnes. Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes. Il faut promptitude, esprit, mémoire, soin, ne se brouiller jamais, et rougir encore moins. Mais la fenêtre s'ouvre. Approchons. Et l'on aperçoit Clarisse, Lucrèce et Isabelle. Isabelle, durant notre entretien, demeure en sentinelle. Lorsque votre vieillard sera prêt à sortir, je ne manquerai pas de vous en avertir. Isabelle disparaît de la fenêtre. Il conte assez au long ton histoire à mon père. Mais parle sous mon nom, c'est à moi de me taire. Êtes-vous là, Dorante? Oui, madame, c'est moi qui veux vivre et mourir sous votre seule loi. Ta fleurette pour toi prend encore même style. Il devrait s'épargner cette jeune inutile, mais m'aurait-il déjà reconnu à la voix? C'est elle et je me rends, monsieur, à cette fois. Oui, c'est moi qui voudrais effacer de ma vie les jours que j'ai vécu sans vous avoir servi. Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux. C'est ou ne vivre point ou vivre malheureux, c'est une longue mort. Et pour moi, je confesse que pour vivre, il faut être esclave de Lucrèce. Cher ami, il en compte à chacune à son tour. Il aime à promener sa fourbe et son amour. À vos commandements, j'apporte donc ma vie. Trop heureux si pour vous, elle m'était ravie. Disposez-en, madame. Et me dites en quoi vous avez résolu de vous servir de moi. Je vous voulais tantôt proposer quelque chose. Mais il n'est plus besoin que je vous la propose, car elle est impossible. Impossible? Oh, pour vous! Je pourrai tout, madame, en tout lieu, contre tous. Jusqu'à vous marier quand je sais que vous l'êtes. Moi? Marier? Ce sont pièces qu'on vous a faites. Quiconque vous l'a dit, c'est voulu divertir. Tu es la plus grande fourbe. Il ne sait que mentir. Je ne le fus jamais. Et si par cette voix on pense... Mais vous pensez encore que je vous crois? Que la foudre à vos yeux m'écrase si je mens. Et un menteur est toujours prodigue de serments. Non, si vous avez eu pour moi quelques pensées qui est sur ce faux rapport puissent être balancées, cessez d'être en balance et de vous défier de ce qu'il m'est aisé de vous justifier. On dirait qu'il est vrai, tant son effronterie avec naïveté pousse une menterie. Pour vous ôter de doute, agré, que demain, en qualité d'époux, je vous donne la main. Et vous la donneriez en un jour à 2000. Certes, vous m'allez mettre en crédit par la ville, mais en crédit si grand que j'en crains les jaloux. C'est tout ce que mérite un homme tel que vous. Un homme qui se dit un grand foudre de guerre et n'en a vu qu'à coup d'écritoire ou de verre, qui vint hier de Poitiers et compte à son retour que depuis une année il fait ici sa cour, qui donne toute nuit festin, musique et danse, bien qu'il l'ait dans son lit passé en tout silence, qui se dit marié puis soudain s'en dédie. Sa méthode est jolie à se mettre en crédit. Vous-même, apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme. Si vous vous en tirez, je vous tiens à vil homme. Ne t'épouvante point, tout vient dans sa saison. De ces inventions, chacune a sa raison. Surtout, quelques jours, je vous rendrai contente. Mais à présent, je passe à la plus importante. J'ai donc faim, cet hymen. Pourquoi désavouer ce qui vous forcera vous-même à me louer? Je l'ai faim, et ma feinte à vos mépris m'expose. Mais si, de cette détour, vous seul étiez la cause... Moi? Vous, écoutez-moi. Nous pouvons consentir... De grâce, dites-moi si vous allez mentir. Oh, je t'arracherai cette longue importune. Donc, comme à vous servir, j'attache ma fortune. L'amour que j'ai pour vous, nous pouvons consentir qu'un père à d'autres lois voulu m'assujettir. Il fait pièce nouvelle, écoutons. Cette adresse a conservé mon âme à la belle Lucrèce. Et par ce mariage au besoin inventé, J'ai su rompre celui qu'on m'avait apprêté. Blâmez-moi de tomber à des fautes si lourdes. Appelez-moi grand fourbe et grand donneur de bourde. Mais louez-moi du moins d'aimer si puissamment. Et joignez à ses noms celui de votre amant. Je fais par cette hymen banqueroute à tous autres. J'évite tout leur faire pour mourir dans les vôtres. Et libre pour entrer en des liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Votre flamme en naissant a trop de violence et me laisse toujours en juste défiance. Le moyen que mes yeux usent de tels appâts pour qui m'a si peu vu ne me connaît pas. Je ne vous connais pas. Vous n'avez plus de mère. Périandre est le nom de monsieur votre père. Il est homme de robe, adroit et retenu. 10 000 écus de rente en font le revenu. Vous bien dites un frère aux guerres d'Italie. Vous aviez une sœur qui s'appelait Julie. Vous connais-je à présent? Dites encore que non. Cousine, il te connaît, il t'en veut tout de bon. Plût à Dieu. Découvrons le fond de l'artifice. J'avais voulu tantôt vous parler de Clarisse. Quelqu'un de vos amis m'en est venu prier. Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier? Par cette question, n'éprouvez plus ma flamme. Je vous ai trop fait voir jusqu'au fond de mon âme. Et vous ne pouvez plus désormais ignorer que j'ai faim à cet email afin de m'emparer. Je n'ai ni feu ni vœu que pour votre service. Et ne puis plus avoir que mépris pour Clarisse. Vous êtes à vrai dire un peu bien dégoûté. Clarisse est de maison et n'est pas sans beauté. Si Lucrèce à vos yeux paraît un peu plus belle, de bien mieux fait que vous se contenterait d'elle. Oui, mais un grand défaut ternit tous ses apports. Quel est-il ce défaut? Elle ne me plaît pas. Et plutôt que l'humaine avec elle me lie, je serai marié si l'on veut en Turquie. Aujourd'hui cependant, on m'a dit qu'en plein jour, vous lui serriez la main et lui parliez d'amour. Quelqu'un auprès de vous m'a fait cette imposture. Et l'imposteur? C'est hasard s'il n'en jure. Que du ciel! L'ai-je dit? J'éprouve le courroux. Si j'ai parlé, Lucrèce, à personne qu'à vous. Je ne puis plus souffrir une telle impudence. Après ce que j'ai vu moi-même en ma présence, vous couchez d'imposture et vous osez jurer comme si je pouvais vous croire ou l'endurer. Adieu! Retirez-vous et croyez, je vous prie, que souvent je m'égaie ainsi par raillerie, que pour me donner des passe-temps si doux, j'ai donné cette baie à bien d'autres qu'à vous. Eh bien, vous le voyez, l'histoire est découverte. Ah, oh, Cliton, je me trouve à deux doigts de ma perte. Vous en avez sans doute un plus heureux succès, vous avez gagné chez elle un grand accès, mais je suis ce fâcheux qui, lui, par sa présence, vous fait sous ses mots être d'intelligence. Peut-être. Qu'en crois-tu? Le peut-être est gaillard. Hein? Penses-tu qu'après tout, j'en quitte encore ma part et tienne tout perdu pour un peu de traverse? Si jamais cette part tombait dans le commerce et qu'il vous vint marchand pour ce trésor caché, je vous conseillerais d'en faire bon marché. Mais pourquoi si peu croire un feu si véritable? Et à chaque bout de champ, vous mentez comme un diable. Je dis ces vérités. Quand un menteur l'a dit, en passant par sa bouche, elle perd tout crédit. Il faut donc essayer si, par quelque autre bouche, elle pourra trouver un accueil moins farouche. Allons sur le chevet, rêver quelques moyens d'avoir de l'incrédule un plus doux entretien. Souvent, leur belle humeur suit le cours de la lune, tel rang des mépris qui veut qu'on l'importune. Mais de quelques effets que les siens soient suivis, il sera demain jour et la nuit porte avis. Quatrième acte. Nous sommes toujours sur la place royale où nous rencontrons Dorante et Cliton. Mais monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce pour sortir si matin à la drôle de paresse? On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver. Et ce lieu, pour ma flamme, est plus propre à rêver. J'en puis voir sa fenêtre. Et de sa chère idée, mon âme à cet aspect sera mieux possédée. À propos de rêver, n'avez-vous rien trouvé pour servir de remède au désordre arrivé? Je me suis souvenu d'un secret que toi-même donnais hier pour grand, pour rare, pour suprême. Un amant obtient tout quand il est libéral. Le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mal. Il ne fait réussir qu'auprès d'une coquette. Je sais ce qu'est Lucrèce. Elle est sage et discrète. Elle lui fait présent les efforts seraient vains. Elle a le cœur trop bon. Mais ces gens ont des mains. Et bien que sur ce point, elle ne les désavoue, Avec un tel secret, leur langue se dénoue. Ils parlent. Et souvent, on les daigne écouter. À tel prix que ce soit, il m'en faut acheter. Si celle-ci venait, qui m'a rendu sa lettre, après ce qu'elle a fait, j'ose tout m'en promettre. Et ce sera un hasard si, sans beaucoup d'efforts, je ne trouve moyen de lui payer le port. Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même. Ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime. Et comme c'est m'aimer que me faire présent, je suis toujours alors dans l'esprit complaisant. Il a beaucoup d'humeur pareille à la tienne. Mais monsieur, attendant que Sabine survienne et que sur son esprit vos dons fassent vertu, il court quelques bruits sourds qu'Alcippe s'est battu. Contre qui ? L'on le sait. Mais ce confus murmure d'un air pareil au vôtre à peu près le figure. Et si de tout le jour je vous avais quitté, je vous soupçonnerais de cette nouveauté. Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce ? Oh, monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse ? Nous nous battîmes hier. Et j'avais fait serment de ne parler jamais de cet événement. Mais à toi, de mon cœur l'unique secrétaire, à toi, de mes secrets le grand dépositaire, je ne scellerai rien puisque je l'ai promis. Depuis 5 ou 6 mois, nous étions ennemis. Il passa par Poitiers, où nous prîmes querelle. Et comme on nous fit lors une paix telle quelle, nous sûmes l'un à l'autre en secret protester qu'à la première vue, il en faudrait tenter. Hier, nous nous rencontrons. Cette ardeur se réveille. Fait de notre embrassade un appel à l'oreille. Je me défais de toi, j'y cours, je le rejoins. Nous vidons sur le pré l'affaire sans témoin. Et le perçant à jour de 2 coups d'estocade, je le mets hors d'état d'être jamais malade. Il tombe dans son sang. À ce compte, il est mort. Je le laissais pour tel. Certes, je plains son sort. Il était honnête homme. Et le ciel ne déploie. Je te veux, cher ami, faire part de ma joie. Je suis heureux. Mon père vient d'arriver. Cette place pour vous est commode à rêver. Ta joie est peu commune. Et pour revoir un père, un homme tel que nous ne serait jouier. Un esprit que la joie entièrement saisie présume qu'on entend au moindre mot qu'il dit. Sache donc que je touche à l'heureuse journée qui doit avec Clarisse unir ma destinée. On attendait mon père afin de tout signer. C'est ce que mon esprit ne pouvait deviner, mais je m'en réjouis. Tu vas entrer chez elle ? Oui, je vais lui porter cette heureuse nouvelle et je t'en ai voulu faire part en passant. Tu t'acquiers d'autant plus un cœur reconnaissant. Enfin donc, ton amour ne craint plus de disgrâce. Cependant qu'au logis mon père se délasse, j'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien. Les gens que vous tuez se portent assez bien. Je n'ai de part ni d'autre aucune défiance. Excuse d'un amant la juste impatience. Adieu. Le ciel te donne un hymen sans souci. Il est mort. Quoi, monsieur, vous me redonnez aussi. À moi, de votre cœur, l'unique secrétaire. À moi. De vos secrets, le grand dépositaire. Avec ces qualités, j'avais lieu d'espérer qu'assez balaisément, je pourrais m'emparer. Quoi ? Mon combat te semble un conte imaginaire ? Je croirais tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire, mais vous en comptez tant, acteur, en tout lieu, qu'il faut bien de l'esprit avec vous et bons yeux. Mort, juif ou chrétien, vous n'épargnez personne. Alcippe te surprend. Sa guérison t'étonne. L'état où je le mis était fort périlleux, mais il est à présent discret, merveilleux. Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie que nomment nos guerriers poudre de sympathie? On en voit tous les jours des effets étonnants. Encore ne sont-ils pas du tout si surprenants? Je n'ai point appris qu'elle eut tant d'efficace qu'un homme que pour mort on laisse sur la place, qu'on a de 2 grands coups percés de part en part, soit dès le lendemain, si frais et si gaillard. La poudre que tu dis n'est que de la commune, on n'en fait plus de cas. Mais Cliton, j'en sais une qui rappelle sitôt des portes du trépas. Quand moi, d'un tournement, l'on ne s'en souvient pas. Quiconque la sait faire a de grands avantages. Donnez-moi le secret et je vous sers sans gage. Non, je te le donnerai et tu serais heureux. Mais le secret consiste en quelques mots hébreux qui tous à prononcer sont si fort difficiles que ce serait pour toi de trésors inutiles. Vous savez donc l'hébreu ? L'hébreu, parfaitement. J'ai 10 langues, Cliton, à mon commandement. Vous auriez bien besoin de 10 des mieux nourris pour fournir tour à tour à tant de menteries. Vous les hachez menus comme chair à pâté. Vous avez tout le corps bien plein de vérité, il n'en sort jamais une. Ah, cervelle ignorante ! Mais mon père survient. Je vous cherchais, Dorante. Je ne vous cherchais pas, moi. Que mal à propos, son labeur important vient troubler mon repos. Et qu'un père incommode un homme de mon âge. Vu l'étroite union que fait le mariage, j'estime qu'en effet, c'est n'y consentir point que laisser désunis ceux que le ciel a joints. La raison le défend. Et je sens dans mon âme un violent désir de voir ici ta femme. J'écris donc à son père, écris-lui comme moi. Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi, je me tiens trop heureux qu'une si belle fille, si sage et si bien née, entre dans ma famille. J'ajoute à ce discours que je brûle de voir celle qui, de mes ans, devient l'unique espoir, que pour me l'amener, tu t'en vas en personne, car enfin, il le faut. Et le devoir l'ordonne. N'envoyer qu'un valet sentirait son mépris. De vos civilités, il sera bien surpris. Et pour moi... Je suis prêt, mais je perdrai ma peine. Il ne souffrira pas encore qu'on vous l'amène. Elle est grosse. Elle est grosse. Et de plus de 6 mois. Que de ravissement je sens à cette fois. Vous ne voudriez point hasarder sa grossesse? Non, j'aurai patience autant que d'allégresse pour hasarder ce gage. Il m'est trop précieux. À ce coup, ma prière a pénétré les cieux. Je pense, en le voyant, que je mourrai de joie. Adieu, je vais changer la lettre que j'envoie, en écrire à son père un nouveau compliment, le prier d'avoir soin de son accouchement comme du seul espoir où mon bonheur se fond. Le bonhomme s'en va le plus content du monde. Écris-lui comme moi. Je n'y manquerai pas. Oh, qu'il est bon. Taisez-vous, il revient sur ses pas. Il ne me souvient plus du nom de ton beau-père. Comment s'appelle-t-il ? Il n'est pas nécessaire, sans que vous vous donniez ces soucis superflus. Enfermons le paquet, j'écrirai le dossier. Tant tout d'une main, il sera plus honnête. Ne lui pourrais-je ôter ce souci de la tête ? Votre main ou la mienne, il n'importe des deux. Ces nobles de province, ils sont un peu fâchés. Son père, c'est la cour. Ne me fais plus attendre, dis-moi. Que lui dirais-je ? Il s'appelle ? Pierre ? Dit tantôt un nom, autre nom. C'était. Je m'en souviens, oui. C'était Armédon. Oui, c'est là son nom propre et l'autre du notaire. Il portait ce dernier quand il fut à la guerre et se sert si souvent de l'un et l'autre nom que tantôt c'est Pierrot et tantôt Armédon. C'est un abus commun qu'autorise l'usage. Et j'en usais ainsi du temps de mon jeune âge. Adieu, je vais écrire. Enfin, j'en suis sorti. Il faut bonne mémoire après qu'on a menti. L'esprit a secouru le défaut de mémoire. Mais on éclaircira bientôt toute l'histoire. Après ce mauvais pas, vous avez bronché. Le reste, encore longtemps, ne peut être caché. On le sait chez Lucrèce et chez cette Clarisse qui, d'un mépris si grand, piqué avec justice, dans son ressentiment, prendra l'occasion de vous couvrir de honte et de confusion. Ta crainte est bien fondée. Et puisque le temps presse, il faut tâcher en hâte à m'engager Lucrèce. Voici tout à propos ce que j'ai souhaité. Cher ami, hier au soir, j'étais si transporté que je ne pus me permettre de bien penser à toi quand j'ai lu cette lettre, mais tu n'y perdras rien. Et voici pour le port. Ne croyez pas, monsieur. Tiens. Vous me faites tort, je ne suis pas de... Prends. Monsieur... Prends, te dis-je. Je ne suis point ingrat alors que l'on m'oblige. Dépêche, tends la main. Lui faites façon, je lui veux par pitié donner quelques leçons. Cher ami, Entre nous, toutes tes révérences, en ces occasions, ne sont qu'impertinences. Si ce n'est assez d'une, ouvre toutes les deux. Le métier que tu fais ne veut point de honteux. Sans se piquer d'honneur, crois qu'il n'est que de prendre. Et que tenir vaut mieux mille fois que d'attendre. Cette pluie est fort douce, et quand j'en vois pleuvoir, j'ouvrirai jusqu'au cœur pour la mieux recevoir. On prend à toute main dans le siècle où nous sommes. Et refuser n'est plus le vice des grands hommes. Retiens bien ma doctrine, et pour faire amitié, si tu veux, avec toi, je serai de moitié. Cet article est de trop. Moitié, je me propose de faire avec le temps pour toi tout autre chose. Mais comme j'ai reçu cette lettre de toi, en voudrais-tu donner la réponse pour moi? Je la donnerai bien, mais je n'ose vous dire que ma maîtresse daigne ou la prendre ou la lire. J'y ferai mon effort. Vous voyez, elle se rend plus douce qu'une épouse et plus souple qu'un grand. Le secret a joué. Présente-la, n'importe. Elle n'a pas pour moi d'aversion aussi forte. Je reviens dans une heure en apprendre l'effet. Je vous conterai alors tout ce que j'aurai fait. Tu vois que les effets préviennent les paroles. Hein? C'est un homme qui fait litière de pistoles. Mais comme auprès de lui, je puis beaucoup pour toi. Fais tomber de la pluie et laisse faire à moi. Tu viens d'entrer en goût. Avec mes révérences, je ne suis pas encore si dupe que tu penses. Je sais bien mon métier et ma simplicité joue aussi bien son jeu que ton avidité. Si tu sais ton métier, dis-moi quelle espérance doit obstiner mon maître à la persévérance. Sera-t-elle insensible ? En viendrons-nous à bout ? Puisqu'il est si brave homme, il faut te dire tout. Pour te désabuser, sache donc que Lucrèce n'est rien moins qu'insensible à l'ardeur qu'il presse. Durant toute la nuit, elle n'a point dormi, et si je ne me trompe, elle l'aime à demi. Mais sur quel privilège est-ce qu'elle se fonde quand elle aime à demi de maltraiter le monde ? Il n'en a cette nuit reçu que des mépris. Cher ami, après tout, mon maître vaut son prix. Ses amours à demi sont d'une étrange espèce, et s'il voulait me croire, il quitterait Lucrèce. Qu'il ne se hâte point, on l'aime assurément. Mais on le lui témoigne un peu bien rudement, et je ne vis jamais de méthode pareille. Elle tient, comme on dit, le loup par les oreilles. Elle l'aime, et son cœur n'y saurait consentir, parce que d'ordinaire, il ne fait que mentir. Hier même, elle le vit dedans les Tuileries, où tout ce qu'il conta n'était que menterie. Il en a fait autant depuis à deux ou trois. Les menteurs les plus grands disent vrai, quelquefois. Elle a lieu de douter et d'être en défiance. Mais qu'elle donne à ses feux un peu plus de croyance. Il n'a fait toute nuit que soupirer d'ennui. Peut-être que tu mens aussi bien comme lui. Oh, je suis homme d'honneur, tu me fais injustice. Mais dis-moi, sais-tu bien qu'il n'aime plus Clarisse ? Il ne l'aima jamais. Pour certains ? Pour certains. Qu'il ne craigne donc plus de soupirer en vain. Aussitôt que Lucrèce a pu le reconnaître, elle a voulu qu'exprès je me sois fait paraître pour voir si par hasard il ne me dirait rien. Et s'il l'aime, en effet, tout le reste ira bien. Va-t'en. Et sans te mettre en peine de m'instruire, crois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire. Adieu. De ton côté, si tu fais ton devoir, tu dois croire du mien que je ferai pleuvoir. Que je vais bientôt voir une fille contente. Mais la voici déjà. Qu'elle est impatiente. Comme elle a les yeux fins. Elle a vu le poulet. Eh bien, que t'ont compté le maître et le valet? Le maître et le valet m'ont dit la même chose. Le maître est tout à vous et voici de sa prose. Dorante, avec chaleur, fait le passionné. Mais le fourbe qu'il est nous en a trop donné. Et je ne suis pas fille à croire ses paroles. Je ne les crois non plus, mais j'en crois ses pistoles. Il t'a donc fait présent? Voyez. Et tu l'as pris? Pour vous ôter du trouble où flottent vos esprits et vous mieux témoigner ces flammes véritables, j'en ai pris les témoins les plus indubitables. Et je remets, madame, au jugement de tous, si qui donne à vos gens est sans amour pour vous, et si ce traitement marque une âme commune. Je ne m'oppose pas à ta bonne fortune, mais comme en l'acceptant tu sors de ton devoir, du moins une autre fois, ne m'en fais rien savoir. Mais à ce libéral, que pourrais-je promettre? Dis-lui que sans l'avoir, j'ai déchiré sa lettre. Oh, ma bonne fortune, où vous enfuyez-vous? Mêle-y, de ta part, deux ou trois mots plus doux. Conte-lui dextrement le naturel des femmes. Dis-lui qu'avec le temps, on amollit leurs âmes. Et l'avertis surtout des heures et des lieux où, par rencontre, il peut se montrer à mes yeux. Parce qu'il est grand fourbe, il faut que je m'assure. Oh, si vous connaissiez les peines qu'il endure, vous ne douteriez plus si son cœur est atteint. Toute nuit, il soupire, il gémit, il se plaint. Pour apaiser les maux que cause cette plainte, donne-lui de l'espoir avec beaucoup de crainte. Et sache, entre les deux, toujours le modérer, sans m'engager à lui, ni le désespérer. Apparaît alors Clarisse. Il t'en veut tout de bon et m'en voilà défaite. Mais je souffre aisément à la perte que j'ai faite. Alcippe la répare et son père est ici. Te voilà donc bientôt quitte d'un grand souci. M'en voilà bientôt quitte. Et toi, te voilà prête à t'enrichir bientôt d'une étrange conquête. Tu sais ce qu'il m'a dit. S'il vous mentait, alors, à présent, il dit vrai. J'en réponds corps pour corps. Peut-être qu'il le dit, mais c'est un grand peut-être. Dorante est un grand fourbe et il nous l'a fait connaître. Mais s'il continuait encore à m'en conter, peut-être avec le temps, il me ferait douter. Si tu l'aimes, du moins étant bien averti, prends bien garde à ton fait et fais bien ta partie. C'en est trop. Et tu dois seulement présumer que je penche à le croire, et non pas à l'aimer. De le croire à l'aimer, la distance est petite. Et qui fait croire ses feux, fait croire son mérite. Ces deux points en amour se suivent de si près que qui se croit aimé aime bientôt après. La curiosité, souvent dans quelques âmes, produit le même effet que produiraient des flammes. Je suis prête à le croire afin de t'obliger. Vous me feriez ici toutes deux enragées. Voyez qu'il est besoin de tout ce badinage. Faites-moi la sucrée et changez de langage ou vous n'en casserez ma foi que d'une dent. Oh, laissons-la cette folle. Et dis-moi cependant, quand nous le vîmes hier dedans les Tuileries, qu'il te conta d'abord tant de galanterie, il fut, je me trompe, assez bien écouté. Était-ce amour alors ou curiosité? Curiosité pure, avec dessein de rire de tous les compliments qu'il aurait pu me dire. Je fais de ce billet même chose à mon tour. Je l'ai pris, je l'ai lu, mais le tout sans amour. Curiosité pure, avec dessein de rire de tous les compliments qu'il aurait pu m'écrire. Ce sont deux que de lire et d'avoir écouté. L'un est grande faveur, l'autre civilité. Mais trouves-y ton compte et j'en serai ravie. En l'état où je suis, j'en parle sans envie. Sabine lui dira que je l'ai déchiré. Nul avantage ainsi n'en peut être tiré. Tu n'es que curieuse. Ajoute à ton exemple. Soit. Mais il est saison que nous allions au temple. Allons. Si tu le vois, agis comme tu sais. Ce n'est pas sur ce coup que je fais mes essais. Je connais à tous deux où tient la maladie et le mal sera grand si je n'y remédie. Mais sachez qu'il est temps à prendre sur le verre. Ah, je te croirai. Mettons cette pluie à couvert. Cinquième acte. Nous voyons Géronte, père de Dorante, s'entretenant avec Philiste. Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse pour satisfaire ici mon humeur curieuse. Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers et vu comme mon fils les gens de ces quartiers. Ainsi, vous me pouvez facilement apprendre quelle est et la famille et le bien de Pirandre. Quel est-il, ce Pirandre? De leur citoyen noble, à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en bien. Il naît dans tout Poitiers, bourgeois et gentilhomme qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme. Vous le connaîtrez mieux peut-être à l'autre nom. Ce Pirandre s'appelle autrement Armédon. Aussi peu l'un que l'autre. Et le père d'Orphise? Cette rare beauté quand ces lieux même ont prise. Vous connaissez le nom de cet objet charmant qui fait de ces cantons le plus digne ornement. Croyez que cet Orphise, Armédon et Pirandre sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encore quelques garants... Oh, en faveur de mon fils, vous faites l'ignorant. Mais je ne sais que trop qu'il aime cet Orphise. Et qu'après les douceurs d'une longue hantise, on l'a seul dans sa chambre avec elle trouvée, que par son pistolet un désordre arrivé l'a forcé sur le champ d'épouser cette belle. Je sais tout. Et de plus, ma bonté paternelle m'a fait y consentir. Et votre esprit discret n'a plus d'occasion de m'en faire un secret. Quoi? Dorante a donc fait un secret mariage? Comme je suis bon. Je pardonne à son âge. Qui vous l'a dit? Lui-même. Oh, puisqu'il vous l'a dit, il vous fera du reste un fidèle récit. Il en sait mieux que moi toutes les circonstances. Non qu'il vous faille en prendre aucune défiance. Mais il a le talent de bien imaginer. Et moi, je n'ai jamais celui de deviner. Vous me feriez par là soupçonner son histoire. Non, sa parole est sûre, et vous pouvez l'en croire. Mais il nous servit hier d'une collation qui partait d'un esprit de grande invention. Et si ce mariage est de même méthode, la pièce est fort complète et des plus à la mode. Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux. Ma foi, vous en tenez aussi bien comme nous. Et pour vous en parler avec toute franchise, si vous n'avez jamais pour bruit que cet orphise, vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien. Vous m'entendez ? Adieu, je ne vous dis plus rien. Oh, vieillesse facile. Oh, jeunesse impudente. Oh, de mes cheveux gris, honte trop évidente. Est-il dessous le ciel, père plus malheureux, est-il affront plus grand pour un cœur généreux? Dorante n'est qu'un fourbe. Et cet ingrat que j'aime, après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-même, et d'un discours en l'air qu'il forge en imposteur, il me fait le trompette et le second auteur, comme si c'était peu pour mon reste de vie de n'avoir à rougir que de son infamie. L'infâme, se joint de mon trop de bonté, me fait encore rougir de ma crédulité. Êtes-vous gentilhomme ? Oh, rencontre fâcheuse. Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse. Croyez-vous qu'il suffit d'être sorti de moi ? Avec toute la France, aisément, je le crois. Et ne savez-vous pas, avec toute la France, d'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance ? Et que la vertu seule a mis en ce haut rang ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans leur sang ? J'ignorerais à un point que n'ignore personne que la vertu l'acquiert comme le sang le donne. Ou le sang qu'a manqué, si la vertu l'acquiert, ou le sang l'a donné, le vice aussi le perd. Ce qui n'est d'un moyen périt par son contraire. Tout ce que l'un a fait, l'autre peut le défaire. Et dans la lâcheté du vice où je te vois, tu n'es plus gentil homme, étant sorti de moi. Moi ? Laisse-moi parler ! Toi de qui l'imposture souille honteusement ce don de la nature, qui se dit gentilhomme et ment comme tu fais. Il ment quand il le dit et ne le fuit jamais. Est-il vice plus bas, est-il tache plus noire, plus indigne d'un homme élevé pour la gloire? Est-il quelque faiblesse, est-il quelque action dont un cœur vraiment noble est plus d'aversion, puisqu'un seul démenti lui porte une infamie qu'il ne peut effacer s'il l'expose de sa vie, et si dedans le sang, il ne lave l'affront qu'un si honteux outrage imprime sur son front. Qui vous dit que je mens? Qui me le dit, infâme? Dis-moi, si tu le peux, dis le nom de ta femme. Le comte qui, hier au soir, tu m'en suis publié. Dites que le sommeil vous l'a fait oublier. Ajoute encore avec effronterie le nom de ton beau-père et de sa seigneurie. Invente à m'éblouir quelque nouveau détour. Appelez la mémoire et l'esprit au secours. De quel front, cependant, faut-il que je confesse que ton effronterie a surpris ma vieillesse, qu'un homme de mon âge a cru légèrement ce qu'un homme du tien dépitant. Pudamment, tu me fais donc servir de fable et de risée. Non. Pas assez pour esprit faible et pour cervelle usée. Non. Mais dis-moi, te portais-je à la gorge un poignard? Voyais-tu violence ou courroux de ma part? Si quelque aversion t'éloignait de Clarisse, quel besoin avais-tu d'un si lâche artifice? Et pouvais-tu douter que mon consentement ne dût tout accorder à ton contentement, puisque mon indulgence, au dernier point venu, consentait à tes yeux l'hymen d'une inconnue? Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné n'a pas touché ton cœur ou ne l'a pas gagné. Ingrat, tu m'as payé d'une impudente feinte et tu n'as eu pour moi respect qu'amour ni crainte. Va, je te désavoue. Hé, mon père, écoutez. Quoi? Des contes en l'air et sur leur inventé? Non, la vérité pure. En est-il dans ta bouche? Voici pour votre adresse une assez rude touche. Et pris d'une beauté qu'à peine j'ai pu voir, qu'elle a pris sur mon âme un absolu pouvoir de Lucrèce. En un mot, vous la pouvez connaître? Dis vrai, je la connais. Et ceux qui l'ont fait naître, son père et mon ami. Mon cœur, en un moment, étant de ses regards charmés, si puissamment, le choix que vos bontés avaient fait de Clarisse, sitôt que je le sus, me parut un supplice. Mais comme j'ignorais si Lucrèce et son sort pouvaient, avec le vôtre, avoir quelque rapport, je n'osais pas encore vous découvrir la flamme que venait cette beauté d'allumer dans mon âme. Et j'avais ignoré, monsieur, jusqu'à ce jour, que l'adresse d'esprit fut un crime en amour. Mais si je vous osais demander quelque grâce, à présent que je sais et son bien et sa race, je vous conjurerais, par les nœuds les plus doux dont l'amour et le sang puissent m'unir à vous, de seconder mes voeux auprès de cette belle. Obtenez-la d'un père, et je l'obtiendrai d'elle. Tu me fourbes encore. Oh, si vous ne m'en croyez, croyez-en pour le moins, Cliton. Que vous voyez, il sait tout mon secret. Tu ne meurs pas de honte. Qu'il faille que de lui je fasse plus de compte, et que ton père même, en doute de ta foi, donne plus de croyance à ton valet qu'à toi. Écoute. Je suis bon. Et malgré ma colère, je veux encore un coup montrer un cœur de père. Ah. Je veux encore un coup pour toi me hasarder. Je connais ta Lucrèce. Elle avait demandé. Ah. Mais si de ton côté, le moindre obstacle arrive... Pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suive. Demeure ici, demeure, et ne suis point mes pas. Je doute, je hasarde, et je ne te crois pas. Mais sache que tantôt, si pour cette Lucrèce, tu fais la moindre fourbe ou la moindre finesse, tu peux bien fuir mes yeux et ne me voir jamais. Autrement, souviens-toi du serment que je fais. Je jure les rayons du jour qui nous éclairent que tu ne mourras point que de la main d'un père. Et que ton sang qu'indigne à mes pieds répandus rendra prompte justice à mon honneur perdu. Je crains peu les effets d'une telle menace. Vous vous rendez tantôt, et de mauvaise grâce. Et cet esprit adroit qui l'a dupé deux fois devait un galant homme aller jusque à trois. Toutes tierces, dit-on, sont bonnes ou mauvaises. Cliton, ne raille point que tu ne me déplaises. D'un trouble tout nouveau, j'ai l'esprit agité. N'est-ce point du remords d'avoir dit vérité? Si pourtant ce n'est point quelque nouvelle adresse, car je doute à présent si vous aimez Lucrèce. Et vous voici fertile en semblable détour que, quoi que vous disiez, je l'entends sur bout. Je l'aime, et sur ce point ta défiance est vaine. Mais je hasarde trop, et c'est ce qui me gêne. Si son père et le mien ne tombent point d'accord, tout comme il s'est rompu, je fais naufrage au port. Et d'ailleurs, quand l'affaire entre eux serait conclue, suis-je sûr que la fille y soit bien résolue? J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant. Sa compagne, où je meurs, a beaucoup d'agréments. À présent que mes yeux l'ont mieux examiné, de mon premier amour, j'ai l'âme un peu gênée. Mon cœur, entre les deux, est presque partagé. Et celle-ci l'aurait s'il n'était engagé. Mais pourquoi donc montrer une flamme si grande et porter votre père à faire une demande? Il ne m'aurait pas cru si je ne l'avais fait. Quoi? Même en disant vrai, vous mentiez en effet. C'était le seul moyen d'apaiser sa colère. Que maudit soit quiconque a détrompé mon père. Avec ce faux hymen, j'aurais eu le loisir de consulter mon cœur, et je pourrais choisir. Mais sa compagne enfin n'est autre que Clarisse. Je me suis rendu moi-même un bon office. Oh, Calcipe est heureux. Et que je suis confus. Mais Alsup, après tout, n'aura que mon refus. N'y pensons plus, Cliton, puisque la place est prise. Vous en voilà défait aussi bien que d'Orphise. Reportons à Lucrèce, en esprit ébranlé, que l'autre, à ses yeux même, avait presque volé. Mais Sabine survient. Qu'as-tu fait de ma lettre ? En de si belles mains, as-tu su la remettre ? Oui, monsieur, mais... Quoi, mais ? Elle a tout déchiré. Sans lire ? Sans rien lire. Et tu l'as endurée ? Oh, si vous aviez vu comme elle m'a grondée. Elle me va chasser, l'affaire en est vidée. Elle s'apaisera. Mais pourtant, consolée, tends la main. Mais monsieur... Ose encore lui parler. Je ne perds pas si tôt toutes mes espérances. Voyez la bonne pièce avec ses révérences. Comme ses déplaisirs sont déjà consolés. Elle vous en dira plus que vous n'en voulez. Elle a donc déchiré mon billet sans le lire. Elle m'avait donné charge de vous le dire. Mais à parler sans phare... C'est-elle son métier? Elle n'en a rien fait, elle a lu tout entier. Je ne puis si longtemps abuser un brave homme. Si quelqu'un l'entend mieux, je l'irai dire à Rome. Elle ne me hait pas, Asconde. Elle? Non. M'aime-t-elle? Non plus. Tout de bon? Tout de bon. Aime-t-elle quelque autre? Encore moins. Qu'obtiendrai-je? Je ne sais. Mais enfin, dis-moi. Que vous dirai-je? Vérité! Je la dis. Mais elle m'aimera. Peut-être. Et quand encore? Quand elle vous croira. Quand elle me croira, que ma joie est extrême. Quand elle vous croira, dites qu'elle vous aime. Je le dis donc déjà, et m'en ose vanter, puisque ce cher objet n'en saurait plus douter. Mon père... La voici qui vient avec Clarisse. Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice. Comme tu le connais, ne précipite rien. Bonté ! Qui pouvait seul et mon mal et mon bien ? On dirait qu'il m'en veut, c'est moi qui le regarde. Quelques regards sur toi sont tombés par mes gardes. Voyons s'il continue. Ah, oh, que loin de vos yeux, les moments à mon cœur deviennent ennuyeux, et que je reconnais par mon expérience quel supplice aux amants est une heure d'absence. Il continue encore, mais vois ce qu'il m'écrit. Mais écoute ! Tu prends pour toi ce qu'il me dit. Éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc, Dorant ? Hélas ! Que cet amour vous est indifférente, depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi. Crois-tu que le discours s'adresse encore à toi ? Je ne sais où j'en suis. Voyons la fourbe entière. Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière. C'est ainsi qu'il partage entre nous son amour. Il te flatte de nuit et m'en compte de jour. Vous consultez ensemble ? Quoi qu'elle vous dise ? Sans de meilleurs conseils disposés de ma vie, le sien auprès de vous me serait trop fatal. Elle a quelques sujets de me vouloir du mal. Alors je n'en ai que trop. Et si je ne me venge? Ce qu'elle me disait est de vrai fort étrange. C'est quelque invention de son esprit jaloux. Je le crois. Mais enfin, me reconnaissez-vous? Si je vous reconnais, quittez ces railleries. Vous, que j'entretins hier dedans les Tuileries, que je fis aussitôt maîtresse de mon sort. Si je veux toutefois en croire son rapport, pour une autre déjà, votre âme inquiétée... Pour une autre déjà, je vous aurais quitté. Que plutôt à vos pieds, mon cœur sacrifié. Bien plus, si je la crois, vous êtes mariée. Vous me jouez, madame. Et sans doute pour rire, vous prenez du plaisir à m'entendre redire qu'à dessein de mourir en des liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Mais avant qu'avec moi le nœud d'hymen vous lie, vous serez marié si l'on veut en Turquie. Et avant qu'avec tout autre on puisse s'engager, je serai marié si l'on veut en Alger. Mais enfin, vous n'avez que mépris pour Clarisse. Mais enfin, vous savez le nœud de l'artifice et que pour être à vous, je fais ce que je puis. Je ne sais plus moi-même à mon tour où j'en suis. Lucrèce, écoute un mot. Lucrèce! Que dit-elle? Vous en tenez, monsieur, Lucrèce est la plus belle. Mais laquelle des deux? J'en ai le mieux jugé, vous auriez perdu si vous aviez gagé. Cette nuit, à la voix, j'ai cru la reconnaître. Clarisse, sous son nom, parlait à sa fenêtre. Sabine m'en a fait en secret entretien. Bonne bouche! J'en tiens. Mais l'autre la vaut bien. Et comme d'être en saut, je la trouvais bien faite. Mon cœur, déjà penché, tout mon erreur le jette. Ne me découvre point. Et dans ce nouveau fait, tu vas me voir, Cliton, jouer un nouveau jeu sans changer de discours, changeant de batterie. Voyons le dernier point de son effronterie. Quand il lui dira tout, il sera bien surpris. Comme elle est mon amie, elle m'a tout appris. Cette nuit, vous l'aimiez, m'avez méprisé. Laquelle de nous deux avez-vous abusé? Vous lui parliez d'amour en termes assez doux. Moi, depuis mon retour, je n'ai parlé qu'à vous. Vous n'avez point parlé cette nuit à Lucrèce? Vous n'avez point voulu me faire un tour d'adresse? Et je ne vous ai point reconnu à la voix? Nous dirait-il bien vrai pour la première fois? Pour me venger de vous, j'use assez de malice pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice. Et vous laissant passer pour ce que vous vouliez, je vous en donnais plus que vous ne m'en donniez. Je vous embarrassais, n'en faites point la fine. Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine. Vous pensiez me jouer, et moi, je vous jouais, mais par de faux mépris que je désavouais, car enfin, je vous aime et je hais de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi. Pourquoi, si vous m'aimez, feindre un hymen en l'air, quand un père pour vous est venu me parler? Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre? Pourquoi, si vous l'aimez, m'écrire cette lettre? J'aime de ce courroux les principes cachés. Je ne vous déplais pas, puisque vous vous fâchez. Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse. Il faut vous dire vrai. Ah. Je n'aime que Lucrèce. Es-tu la plus grand fourbe? Et peux-tu l'écouter? Quand vous m'aurez oui, vous n'en pourrez douter. Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenêtre, Clarisse m'a fait pièce, et je l'ai su connaître. Comme en y consentant, vous m'avez affligé. Je vous ai mis en peine et je m'en suis vengé. Mais que disiez-vous hier dedans les Tuileries? Oh, Clarisse fut l'objet de mes galanteries. Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur? Elle avait mes discours, mais vous aviez mon cœur. Où vos yeux faisaient naître un feu que j'ai fait taire jusqu'à ce que ma flamme ait eu l'aveu d'un père. Comme tout ce discours n'était que fiction, je cachais mon retour et ma condition. On voit que fourbe sur fourbe, à nos yeux, il entasse. Il ne fait que jouer des tours de passe-passe. Vous seul êtes l'objet dont mon cœur est charmé. C'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé. Si mon père, à présent, porte parole au vôtre, après son témoignage, en voudrez-vous quelque autre? Après son témoignage, il faudra consulter si nous aurons encore quelques lieux d'en douter. Qu'est de telle clarté? Votre erreur se dissipe. Et vous, belle Clarisse, aimez toujours Alcippe? Sans l'hymen de Poitiers, il ne tenait plus rien. Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien. Mais entre vous et moi, vous savez le mystère. Le voici qui s'avance. Et j'aperçois mon père. Alcippe, sortant de chez Clarisse et parlant à elle. Nos parents sont d'accord et vous êtes à moi. Géronte, sortant de chez Lucrèce et parlant à elle. Votre père adorant engage votre foi. Un mot de votre main, l'affaire est terminée. Un mot de votre bouche achève l'hymen. Ne soyez point rebelle à seconder mes voeux. Êtes-vous aujourd'hui muettes, toutes deux? Mon père a sur mes voeux une entière puissance. Le devoir d'une fille est dans l'obéissance. Oh. Venez donc recevoir ce doux commandement. Venez donc ajouter ce doux consentement. Alcippe rentre chez Clarisse avec elle et Lucille, et le reste rentre chez Lucrèce. Si vous vous mariez, il ne pleuvra plus guère. Je changerai pour toi cette pluie en rivière. Vous n'aurez pas le loisir seulement d'y penser. Mon métier ne vaut rien quand on s'en peut passer. Comment sa propre fourbe un menteur s'embarrasse? Peu saurait comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir. La Radio-Télévision française vous a présenté une œuvre de son répertoire, Le Menteur, comédie en cinq actes de Pierre Corneille, sous la direction artistique de Jacques Régnier, présentée par Jean Debert. Nous vous en rappelons la distribution. Monsieur Émile de Hélie, sociétaire honoraire de la Comédie française, était Dorante. Monsieur André Bruno, sociétaire honoraire de la Comédie française, Cliton. Monsieur Maurice Chambreuil, sociétaire de la Comédie française, Géronte. Monsieur Paul Bernard, Alcippe. Monsieur Jean-Louis Alibert, Philiste. Et Monsieur Roland Bernard, Licasse. Mademoiselle Simole Valère jouait Clarisse. Mademoiselle Françoise Brohan, Lucrèce. Mademoiselle Jacqueline Dufrane, Isabelle. Et Mademoiselle Jacqueline Cartier, Sabine. Prise de son, Jacques Perrier. Assistante de production, Michel Pietri.